Je m'arrête à une voiture, deux charmantes personnes attichées de longs cheveux sont là. Je me dis pourquoi pas tirer un petit coup avec ces deux personnes-là. Et quelle ne fut pas ma surprise, n'est-ce pas, au lieu de voir notre bulldog mystère bien connu, de rencontrer Monsieur Spirouli et l'un de ses camarades de jeu. C'est formidable. Ah bah écoutez, j'espère que... Alors, j'ai eu vent comme quoi Gérard ne souhaitait pas votre intervention lors du débat sur les catastrophes parce qu'il a demandé à ce que les gens soient sérieux. Est-ce que vous acceptez d'être sérieux lors du débat sur les catastrophes? Écoutez, monsieur Max, monsieur Gérard me connaît bien, je ne sais quel différent l'oppose à moi, enfin en tout cas je peux vous assurer que je suis toujours du plus grand sérieux, et ça vous le savez bien entendu. Si monsieur Gérard nous écoute... Là, d'ailleurs on est en train de l'appeler, on va voir ce qu'on peut faire avec, oui. Ah ben très bien, si vous lui téléphonez maintenant, oui, enfin en même temps que monsieur Spirouli, je n'empiète pas sur votre temps, j'espère. Non, ça va aller. Monsieur Spirouli est très homosexuel ce soir, n'est-ce pas ? C'est vrai, il a apparemment revêtu une coupe de cheveux comme jamais on ne l'a vu. Eh bien écoutez, c'est un peu au niveau de la coupe de cheveux, si je peux me permettre, imaginez un peu Nana Mouskouri qui se serait coiffée en pétard et vous avez Monsieur Spirouli aujourd'hui, n'est-ce pas ? On a Gérard avec nous, je crois. Hein. Gérard, tu es là, c'est ça ? Ouais. Alors, il y a Monsieur Mazur qui est tombé. Monsieur Gérard, quel plaisir. Bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Ouais, ben je sais, je vous ai reconnu, alors ça va comme ça. Qu'allez-vous, Monsieur Gérard, ce soir? J'ai pas regardé, comme il pleut, j'ai pas regardé. Oh, il est très fort, il est en forme, Gérard. Est-ce que tu acceptes à ce qu'il puisse participer au débat de jeudi sur les catastrophes? Non. Bah, pourquoi, Monsieur Gérard, cette censure, je ne comprends pas bien. Parce que c'est non, c'est tout. Mais pourquoi? Parce que c'est non, j'en ai marre d'avoir toujours les mêmes, c'est tout. Enfin, dans quel sens? Bah, dans quel sens? C'est que vous passez à chaque fois que je fais des débats, vous êtes là, donc... Bah, écoutez, monsieur Gérard, à partir du moment où, lors de vos débats, vous invitez les auditeurs à téléphoner afin de s'exprimer à l'antenne, j'appelle le standard et peut-être par un excès de chance, je peux tomber à l'antenne et de toute façon, je n'ai pas à m'en plaindre, n'est-ce pas? Non, mais cette semaine, c'est non. Non, mais ceci dit, attention, monsieur Mazur n'a jamais été un auditeur privilégié. On ne l'appelle pas avant le débat. C'est quelqu'un qui... Oui, absolument, je peux vous le confirmer, bien sûr. Il appelle au standard, il tombe sur un des deux standardistes et donc il a le droit, comme tout le monde, de passer à l'antenne qu'il souhaite intervenir. Ouais, mais pas pour ce débat-là. C'est bon, on va essayer de gérer ça, monsieur Mazur, en antenne avec Gérard, ne vous inquiétez pas. En tout cas, monsieur Gérard, je vous embrasse bien tendrement. Pas moi. Voilà. Salut, Gérard. Monsieur Poirot. Salut, Gégé. Bon, merci Monsieur Mazur, et puis à jeudi peut-être. Monsieur Max, mes respects, bonsoir. Mes respects du soir, Monsieur Mazur.